la foule s'est écartée du chemin. Celui que je fréquentais à l'arpenter, à l'écouter, mes compagnons délaissés, mon odeur et mes pensées. Active la seringue, celle qui va me faire couler. J'ai pas la thune pour gagner. On a tous quand même envie d'être aimé. Pour qui nous sommes, qui l'on est. Et ils prennent peur de l'autre, tu sais, l'étranger, le bizarre, le différent. Le rejet. La foule s'est écartée du chemin, celui que je fréquente, que je fréquentais. Tous s'est évadé.